l'école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. Non, on n'ira pas. Bonjour et bienvenue dans la 28e émission de J'irai pas, une émission antimilitariste, tous les premiers mercredis du mois, à 16h30. On est le 2 juillet 2025, on est avec Prune et Jean-Michel, dont je vais allumer les micros. Bonjour. Bonjour. Salut. Et il fait chaud. Comme chaque année, on fait semblant de s'étonner d'avoir les yeux secs et de suffoquer. Comme une manière de supporter l'intolérable, que ce soit les incendies canadiens, les empoisonnements lents au cobalt, ou les guerres et les tris humains qu'elles provoquent. Peut-être bientôt, l'étonnement ne sera plus de mise. On en voit déjà les prémices lorsqu'on n'ose plus parler de catastrophes dites « naturelles ». Et peut-être que bientôt, on parlera des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire absolument normales. Dans un monde où on fabrique des armes et où on les exporte, il est tout à fait normal qu'elles soient utilisées, créant ce que l'on connaît. Aller parler de dissuasion aux habitantes de Polynésie chez qui 193 bombes atomiques ou thermonucléaires françaises ont pété. Depuis la première, tiens, c'était un 2 juillet aussi, le 2 juillet 1966, la première bombe atomique qui pète sur la Polynésie française au doux nom de Aldébaran et dont les nuages radioactifs ont pu faire le tour de la Terre. C'était un petit raté dans cette expérimentation du Centre d'expérimentation du Pacifique. La normalité, disions-nous, dans un monde largement contaminé aux radionucléides ou aux biocides, il est tout à fait normal que les populations d'insectes s'effondrent. Dans un monde régi par l'argent, le pouvoir et l'appât du gain, il est normal de trier les gens selon qu'ils sont riches et pauvres. Et c'est un peu le sujet de cette émission. La précarité. La mise au pas des pauvres, que ce soit à l'usine ou à la caserne. C'est ce sujet qu'on va illustrer par plusieurs prises de parole. Et je suis avec... Ouais. Oui, Prune. Je voulais commencer par lire des extraits d'un livre qui s'appelle « Mauvaise troupe », écrit par Justine Barban et Leila Mignano, édité chez Les Arènes, qui est un livre qui est très intéressant parce qu'il recueille des histoires d'hommes qui ont fait l'armée et qui, pour une raison ou pour une autre, après l'armée, se sentent pas bien. Et donc, il y a différentes histoires. C'est un travail d'enquête et donc de recherche aussi sur le terrain. Ça parle de jeunes qui se retrouvent allés en Centrafrique en guerre et qui rentrent complètement traumatisés, qui sont pas du tout accompagnés par l'institution de l'armée qui a bien voulu qu'ils partent, mais qui s'occupent pas après des dégâts psychologiques qui sont engendrés. Mais aussi d'autres histoires. Et donc, je voudrais commencer par vous lire une partie du prologue, parce qu'elle est assez claire sur la question, sur la relation étroite qui existe entre l'armée et la précarité et le chômage. Donc, je commence le prologue. À un moment donné, il dit: les militaires ont fait irruption dans notre normalité en janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Mobilisés pour répondre à l'urgence, ils se sont durablement installés dans le paysage après les attaques du 13 novembre la même année. La France était en guerre, selon les mots de François Hollande, prononcés le 16 novembre 2015 devant le Congrès. Certains commentateurs politiques comparèrent la déclaration du président de la République à celle de George W. Bush après le 11 septembre 2001. La France lançait, elle aussi, sa guerre contre le terrorisme, déployant plus de 10 000 militaires sur le territoire national. Plus de soldats à l'intérieur des frontières qu'en mission extérieure, du jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Pour faire face à sa nouvelle mission, l'armée dut lancer une campagne de recrutement historique. De spots télévisés en affiche, elle proposait plus que jamais à la jeunesse de France, qui avait soif d'aventure, de s'engager pour se dépasser et se mettre au service des autres. Sur chacune de ces images, pardon, de publicité, l'institution vendait le rêve d'un métier de sport et d'aventure, d'une guerre de jeux vidéo propre et sans bavure. La nouvelle génération, chômeuse et discriminée sur le marché du travail, était accueillie à bras ouverts. Les armées offraient 400 métiers ouverts à tous et à toutes, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur village ou leur cité d'origine. Donc, ça, c'est déjà un bon résumé par rapport à ce qu'on retrouve dans le texte. Et je voudrais continuer donc, avant de laisser la parole à Jean-Michel, par le premier chapitre du livre qui se centre sur le CIRFA, donc c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées de Lille. Donc les deux chercheuses sont au centre, au CIRFA, et donc elles nous racontent. Assis, un roux plutôt costaud s'applique à remplir un questionnaire posé sur ses genoux. A-t-il entendu parler de l'armée dans des spots TV, sur des affiches, via le site, l'application mobile? Peu après, un recruteur entrayé et ranger, un conseiller en recrutement, dit-on ici, viendra le chercher pour un entretien dans l'un des bureaux du premier étage. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre l'assure sans détour dans la presse. Il est chargé d'approvisionner une armée de flux. Car pour 15 000 militaires qui s'engagent chaque année dans l'armée de terre, 12 000 rendent en parallèle leur uniforme. Or, depuis la fin de la conscription, en 1997, l'institution ne peut plus attendre que ces jeunes viennent à elle. Elle doit aller les chercher. Un combat de tous les jours. Pour un poste de soldat durant à pourvoir, il se présente à peine 2 candidats, en moyenne. L'enjeu est encore plus stratégique depuis les attentats de 2015. Pour mettre en place l'opération Sentinelle, qui mobilise en permanence 7 000 à 10 000 soldats sur le territoire français, François Hollande a signé la fin des réductions d'effectifs, en vigueur depuis 2004, et renforcé les campagnes de recrutement. L'armée de terre est en première ligne de ce recrutement massif. Pour tenir la cadence, le commandement compte sur 104 centres d'information et de recrutement des forces armées, qui labourent bien et permettent d'alimenter l'ensemble du dispositif. C'est selon les mots du général Marchand, responsable du recrutement de l'armée de terre en 2017. Il compte aussi sur ses centaines de recruteurs, ses vendeurs de rêves, comme les désignent souvent les jeunes recrues. Dans le bureau du CIRFA, où il est reçu pour un entretien, le jeune postulant roux fixe une grande carte de France, des régiments punaisés au mur. D'un ton jovial, l'adjudant-chef, conseiller en recrutement, l'invite à s'asseoir et lance « Bon, qu'est-ce que vous pensez faire dans l'armée? Comment vous vous projetez? Comment vous vous voyez avec un treillis ?» Le candidat répond timidement qu'il veut bien faire à la fois du terrain et du bureau pour alterner. Il n'est pas fixé sur un métier en particulier. Il recherche avant tout un emploi. Lassé des entreprises qui ne donnent jamais une première chance, cet ingénieur au chômage s'est décidé à pousser la porte de l'armée. Le recruteur rebondit, enthousiaste. L'armée de terre, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise civile. On a des directeurs, on a des managers. Les directeurs, on appelle ça les officiers. Puis les sous-officiers, ce sont les managers, les chefs de service. D'accord ? L'armée, une entreprise comme les autres ? Ces déclarations en forme de slogan publicitaire est pour le moins surprenante. Ou alors une entreprise où le job consiste parfois à tuer, où une balle perdue est un accident de travail, où une grève s'appelle mutinerie et une démission devient désertion. ces deux dernières étant passibles de prison. Qu'importe, l'ingénieur était à la recherche d'un emploi, l'officier lui a vendu le rêve d'un emploi. Il n'est pas le seul à songer à l'uniforme pour des raisons financières, pour la gamelle, comme on dit dans l'armée. D'après le sociologue associé à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, Mathias Thura, si, au moment de signer, 92% des militaires du rang déclaraient en 2017 vouloir être utiles à la défense de leur pays, la perspective de trouver un travail est en réalité l'explication la plus systémique à l'entrée de l'institution. Lors d'entretiens avec des jeunes engagés, ce spécialiste des questions de défense a en effet constaté que le discours autour des valeurs s'effaçait au profit de motifs tels que l'échec scolaire, une situation financière dégradée ou la volonté de trouver un emploi à court terme afin notamment de quitter le domicile familial. Le 2RH de l'armée, interrogé sur le nombre important de candidatures depuis 2015, évoque lui-même les attentats et la situation de l'emploi chez les jeunes. Voilà pour moi pour l'instant. Merci, mais ça c'était du coup on parle des attentats, on parle de François Hollande, ça fait 8 ans qu'on a Macron, tout ça c'était à partir d'il y a 10 ans quoi. Alors du coup est-ce que ça résonne selon toi Jean-Michel, est-ce que ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui? Oui bonjour, oui ça résonne bien et ça montre bien qu'ils sont en train de programmer une politique de recrutement en faire croire que les jeunes c'est une masse qui est exploitable et naïf. Et il y a l'ancien ministre Clément Beaune qui est maintenant haut commissaire au plan, qui a remplacé M. Bayrou. Ben oui. Le poste était libre. Alors, Clément Beaune, c'est. C'est un expert militaire maintenant. Moi, je vous invite à aller voir le site parce que c'est très intéressant. Le site du Haut Commissariat au Plan. Alors, alors qu'est-ce que tu nous as trouvé de croustillant là-dessus? Là-dessus, il y a plein de choses intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, le service militaire, qui va devenir obligatoire, avant c'était le service civique. Là, ils sont en train de travailler là-dessus sur le service militaire obligatoire pour les jeunes et dans les quartiers populaires. Parce que toi, tu es tombé sur la note là, qui s'appelle « Service national, construire un nouveau modèle français ». Oui. Et du coup, ils déploient des scénarios là. Ah oui, il y en a quatre scénarios qui vont le faire, qui vont programmer. Et ils travaillent dessus pour septembre, fin septembre, début octobre, des propositions de loi. Et là-dessus, c'est le service militaire volontaire, le retour du service militaire obligatoire. Et le troisième, il est où ? C'est quoi ? J'ai perdu mes notes. C'était un truc hybride, là, non ? C'était un service civilo-militaire. Service civique obligatoire et volontaire. Voilà. Alors, du coup, service civique obligatoire avec une composante militaire volontaire, quoi, sur la base du volontariat. Voilà, c'est ça. Mais volontaire, mais obligatoire, ça veut dire que tu peux pas démissionner et tu peux pas rompre le contrat de travail. Ah ouais. Et c'est ça. T'es obligé que tu t'engages sur 12 jours ou 5 mois. Et ils ont un objectif, hein. Et c'est 600 000 appelés, hein, par an. Mais ça, c'est si tu fais le service militaire obligatoire, ça. Ah, les deux. Ah bon? Ah oui, les deux. Hein. C'est soit tu fais le service militaire volontaire, soit tu fais l'obligatoire. qui est civil, quoi. Voilà, c'est les deux. C'est, toi, en fait, le volontaire, c'est une accroche. Mm-hmm. C'est une fois qu'ils sont à l'intérieur, on les bourre dans on les formate pour qu'ils deviennent obligatoires dans leur tête. C'est ce qui était pas mal reproché au SNU. On disait oui, mais non, c'est pas militaire, on fait du sport, on s'amuse et tout. Mais du coup, les personnes qui luttaient contre le SNU, elles voyaient déjà ce que tu dis là, cet embrigadement. Alors, soi-disant, le SNU c'était terminé, mais apparemment, ça revient par la fenêtre là. Ah ben, je sais, oui, mais c'est pas aussi nombreux. C'est vitaminé, juste. Voilà. Ça va. Le SNU vitaminé. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Alors, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a fait penser au programme de Mélenchon. Ah oui. Parce que le programme de Mélenchon en 2017, là, si je vous lis le chapitre 11, article 6, page 129, ça dit « Instaurer une conscription citoyenne et créer une garde civile nationale. Mettre en place une conscription citoyenne de 9 mois pour les femmes et hommes de moins de 25 ans, rémunérés au SMIC. Elle comprend une formation militaire initiale et des tâches d'utilité publique. Dans cette conscription, on pourrait intégrer un bilan de santé, etc. Et du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que ça ressemble à ce que propose Clément Bonne. Et si on va un peu plus loin, page 142, on peut lire... Où est-ce qu'on le lit ? Ah non, c'était page 140. On peut lire que bon, ben Mélenchon, il veut stopper la privatisation des industries d'armement. Il veut qu'elles restent françaises. Il veut qu'on privilégie le matériel militaire français dans l'armée. Donc, du coup, on va quand même construire des bombes, mais françaises. On est bien à Saint-Étienne, alors. Ouais, on est bien fourni à Saint-Étienne. Bah oui. Et aussi, ouvrir la possibilité d'un service militaire comme composante optionnelle du service citoyen obligatoire. Du coup, tu me croyais pas, mais... Oui, mais je vois ça. Bon, après, ça, c'était le programme de Mélenchon en 2017. Hein, peut-être qu'il a changé. Mais du coup, finalement, il serait d'accord avec Clément Bonne, parce que j'ai l'impression que c'est... Enfin, si j'ai bien compris ce que tu dis, il propose un service civil obligatoire et une composante militaire... Volontaire. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est le but. Et c'est pour attirer dans les jeunes des quartiers. C'est pour attirer les jeunes de quartier, ça. C'est... Mais alors, est-ce que tu veux expliquer ce point-là ? Parce que les jeunes de quartier, ils ont peut-être autre chose à faire, non ? Ils ont tout l'avenir devant eux, ils peuvent trouver des métiers hyper intéressants. Oui, mais il n'y a pas de travail pour eux dans les quartiers. Et c'est bloqué parce que l'ascenseur social est bloqué là-dessus dans les quartiers. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de centre social, il n'y a plus de réseau. Mmh. Et donc du coup, c'est la porte ouverte à l'armée, quoi. Et voilà, c'est la porte, ils vont travailler là-dessus, dans les quartiers populaires ou dans les campagnes. Hein. Il n'y a pas que les quartiers populaires, hein. Dans la campagne aussi, ça marche bien. Hein. De montrer la patrie, la nation, voilà, les Russes vont nous attaquer. C'est vrai qu'il commence comme ça, le rapport là, de Clément Bonne. Il dit, dans un contexte d'instabilité géopolitique, avec une menace russe à nos portes, je ne sais plus, Non, mais c'est ça. Mais c'est aujourd'hui, ils sont en train de faire peur les gens. Ouais. C'est la peur qu'ils sont en train d'organiser les médias, tous les médias qu'on connaît bien. Alors ici, dans l'émission antimilitariste, quand on voit tout le monde qui s'arme, mais toute l'Europe, tout le monde entier qui fabrique encore plus d'obus et tout, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il y a de plus en plus de bombes et de missiles de partout, quoi. Pas seulement les Russes, quoi. Ah bah oui, là, ça, aujourd'hui, c'est bien parti pour une trentaine d'années, là. L'armement et tout ça, c'est bio. Hein. dans un contexte de transition écologique, d'ailleurs, c'est le... Comme il ne fait pas très chaud. Donc en ville, vous ne circulez pas avec des voitures qui polluent, mais pendant ce temps, on fait des guerres qui, en fait, font écrouler complètement l'environnement. Mais ça, ce n'est pas trop grave, parce que quand même, les frontières, c'est important. Eh bien, figure-toi, Prune, que en fait, Clément Bonne, il a sorti un autre rapport après, je pense, fin mai. 2025, pareil, sur le site du Haut Commissariat au Plan qui s'appelle France Stratégie. Et en fait, ils n'arrêtent pas de parler de transition écologique aussi, parce que du coup, ce rapport-là, il s'appelle « Comment financer le réarmement et nos autres priorités d'ici à 2030 ?» Donc effectivement, il y a une priorité d'ici 2030, c'est de dépasser le seuil de 2% du PIB dans la fabrication d'armes françaises et européennes aussi, poussées, tirées par l'Europe. Mais du coup, je sais pas, tous les trois phrases, on retrouve aussi dans les priorités la transition écologique, quoi. Donc on fabrique des bombes et peut-être des pistes cyclables ou des panneaux solaires. Oui, on va au travail à vélo, quoi. On va au Mais travail on construit en vélo. Des bombes au travail. Mais au moins, on y va à vélo, quand même. C'est ça. c'est le but de vendre le produit, hein. Bah, tu parlais d'avenir et on parlait de précarité et de chômage. Du coup, finalement, c'est une bonne manière de résoudre la crise du chômage, non ? Oui. Bah, de toute façon, France Travail, ils travaillent dessus. Hein. Et ils ont fait un programme pour recruter... Mais ça, c'est un autre truc dont tu avais envie de nous parler, non ? Oui, France Travail, ils travaillent là-dessus, dans les quartiers populaires ou dans les missions locales, là. Dans les missions locales, ils insistent aux jeunes de s'engager pour l'armée. Ils disent qu'il y a, des jobs à... Il y a tous les jobs, c'est vrai. Hein. De la cuisine jusqu'au pilote d'avion, jusqu'au... Et concrètement, là, tu étais tombé sur de la pub, là, sur les réserves. Tu les as prises avec toi, sur l'armée de l'air, sur l'armée de terre. Oui, oui, il y en a même dans les bars. Il y en a même dans les bars. Ils font de la publicité, même dans les bars. Une spéciale dédicace aux bars de la place Jean Jaurès. Voilà. Qui se sont vus affubler de leur table, plein de pubs pour l'armée. Voilà. C'est incroyable. Du coup, effectivement, Prune nous parlait d'il y a 10 ans, un gros contexte de recrutement et tout, et là on dirait que ça repart, quoi. Ah oui, oui, oui, c'est reparti pour... oui, ils vont mettre les moyens. Je pense qu'au mois de septembre, de toute façon, dans les médias, ça y est, c'est parti. Hein. Il y a toujours de la publicité, de l'armement, il y a des postes à pouvoir, c'est des beaux métiers, c'est des valeurs sûres. Il y a même... ça compte sur la retraite. On leur dit, voilà, si vous vous engagez, vous aurez des points pour la retraite. Fini le chômage, fini la précarité, engagez-vous. Mais tous ces jeunes-là, mais ils comprennent pas. C'est tuer des vies. Mmh. C'est ça, ils leur expliquent pas ça. Mmh. C'est la souffrance. Prune nous a donné un texte là-dessus. Ces gens-là sortent pas indemnes. Après le service, il y a plus de service, il y a pas d'aide sociale, médicale. Mmh. Le trauma qu'ils ont tous ces jeunes là, c'est pour une centaine d'années, là, une cinquantaine d'années là. Mmh. Tuer des enfants, ça c'est une réalité ça. Mmh. C'est pas un job. C'est tuer des vies. Mmh. Et ça, on ne leur explique pas. Et ça, moi, ça m'inquiète là-dessus. Que tout ça, la valeur humaine n'est pas prise en compte. Disons qu'il y a une différence de valeur accordée à une personne plutôt qu'à une autre, quoi. Et aussi le fait de... souvent, si on voit les pubs qu'il y a autour de nous par rapport à l'armée, c'est souvent... des gars costauds tout contents qui rigolent entre eux parce qu'ils sont camarades de frères d'armes. Frères d'armes, ouais. Voilà. Ou frères de mort, faut voir comment ça se termine l'histoire, mais bon, ou de psy, ou je sais pas, enfin, n'importe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la pub, qu'ils savent très très bien faire, ils vendent aussi le travail à l'armée comme un jeu vidéo. Donc souvent, on parle de ça, et on parle de ça et pour les adultes et pour les gamins, parce qu'il y a plein de... On en a déjà parlé à l'émission de décembre 2024, mais il y a plein de programmes qui sont instaurés dans les écoles qui font que on habitue les enfants, les jeunes à l'idée de l'armée, à l'idée de prendre une arme, à l'idée que c'est cool, à l'idée qu'on défend quelque chose et on quoi exactement, pour moi c'est encore pas du tout clair. Et il y a vraiment des fonctionnements et des projets qui tournent autour de réaliser des films financés par le ministère des Armées pour pouvoir proposer des scénarios de guerre qui sont appétissants. Alors, est-ce que ça peut être appétissant? Je sais pas. C'est pas des pâtes, donc bon, c'est bizarre. Mais aussi, il y a un programme qui s'appelle Passe ton HAC et pas ton BAC. Donc, HAC, qui montre aux jeunes une autre façon de se relationner à la guerre qui est complètement ludique, alors que, enfin, c'est complètement délirant comme truc, enfin. Et du coup, on s'habitue au fait que, on est devant notre PlayStation et on joue, et puis en fait, on est chômeur, et puis en fait, j'ai la possibilité d'aller bosser, et j'ai envie d'adrénaline, parce qu'aussi, on est dans une société patriarcale qui te dit que, du coup, t'es un homme, du coup, tu vas avoir des trucs hyper engageants au niveau aussi physique, d'émotions, etc. Et du coup, tu finis à l'armée. Et après, il faut vraiment lire Mauvaise Troupe, le livre dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. C'est absolument violent. Et t'es complètement abandonné à toi-même. Et pour peu importe quoi, en fait, soit tu t'es pile dans les rangs et tu obéis et point fini, ou alors tu te casses, mais tu prends des mois de prison avec sursis. Enfin, prison ferme, quoi. Parce que ça s'appelle de la désertion. Voilà. Quoi. Donc, en fait, tu ne peux pas démissionner. Et même, ils ne te disent pas, par exemple, quand tu commences à faire ton service militaire, tu as 6 mois au début pour pouvoir dire, en fait, moi, je me retire. Et souvent, les officiers te disent, non, reste, finis les 6 mois d'essai et après, on verra. Et quand après, on verra, tu arrives au bon moment, on te dit, en fait, c'est trop tard. Et du coup, tu es menotté et complètement bloqué dans un système mortifère qui n'a aucune conscience. Enfin, je veux dire, c'est... Quand même, il y a pas de conscience de l'humain au niveau absolu envers ce qui n'est pas français, disons, si je peux parler avec leurs termes. même si c'est pas les miens, mais c'est pas grave. Mais en plus, dans le système même, t'as aucune... En fait, t'es juste un pion d'un jeu qui leur fait gagner des thunes. Et du coup, ben, en fait, on te fait croire que tu appartiens à un groupe, chose qui est nécessaire pour pas mal de personnes. Et en fait, t'appartiens à rien du tout, parce que on peut te substituer en deux secondes et tes besoins ne sont pas du tout écoutés. Et c'est aussi une des raisons de pas mal de désertions, c'est que les personnes se retrouvent à pas pouvoir aller voir leur famille ou à pas pouvoir faire des choses humainement nécessaires parce que bah, l'armée vient avant, quoi. Bah, c'est de la chair à canon, hein. Ah, bah oui. Non, mais Napoléon, voilà. On va pas citer Napoléon, mais je veux dire, voilà, c'est long, quoi. Voilà, c'est long, c'est une longue histoire. On a Macron le king, c'est bon, hein. Il a besoin des gueux pour servir, voilà. Mais ouais, c'est la chair à canon qui sont là pour être, défendre les bourgeois, et c'est tout. Et est-ce qu'on retrouve la distinction de classe un peu, du coup les personnes qui n'ont pas forcément de perspective dans ce monde économique là, elles peuvent en trouver ouais, mais pardon, je t'écoute. Non mais vas-y, mais non, mais c'est les bourgeois qui pilotent cette masse militaire, et ça pose problème, et c'est pour ça que France Travail travaille dessus. Ça m'a surpris parce que c'est pas leur job. Mais bon, apparemment, il y a de l'emploi. Bah, la France travaille, et donc voilà. Oui, c'est ça. On s'adapte au marché. Et il faut des soldats, Voilà. Et on sait où sont la masse. Et la masse, elle se trouve dans les quartiers populaires, dans les villages, dans la campagne, dans tous les milieux où c'est difficile à travailler. Comme si l'agriculture, il n'y a pas de travail. Comme si, mais bon, on est là-dedans. Et mettre les moyens financiers, c'est ça qui... Ça coûte un jeune 6 000 balles. Le service volontaire. C'est dans le commissariat au plan. Là, oui. Il fait dans les différents scénarios, ouais. Il liste combien ça coûte et tout. Ouais. Donc apparemment, le SNU coûtait trop cher. 500 millions, oui. Je ne sais plus. Bah là, on parle de... 4 milliards. Voilà. 4 milliards. Ils savent peut-être... Il faut qu'ils révisent les maths, peut-être, parce que... Non, mais un jeune qui veut faire une formation de plomberie ou de cuisine ou machin, on dit, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Non, toi, on leur dit, c'est pas possible. Et avec le service militaire, il y a des sous. Eh oui. Et qui finance ça, je sais pas, mais voilà. Bah c'est nous aussi, ça va être nos sous, quoi. Bah je sais pas, parce que je suis pas sûr que le patronat et les salariés sont d'accord de financer l'armée. Parce que la formation, c'est ça, c'est le patron, ah oui. C'est le patronat et les salariés dans les fiches de paye qui financent les formations. Si France Travail finance des formations militaires, là ça pose problème là. Ok, donc où est-ce qu'ils vont trouver le pognon, justement? C'est le plan qui va nous le dire, quoi. Est-ce qu'on augmente la TVA? Est-ce qu'on utilise le livret A des gens? Est-ce qu'on emprunte à l'Europe? Est-ce qu'on enlève la santé publique? Voilà. C'est une bonne idée. Oui, ça, c'est pas très utile. On n'a pas mentionné les vieux. Enlever la santé publique, dans le rapport de Clément Beaune, ça s'appelle réduction inédite dans les prestations sociales ou la fonction publique. Ça s'appelle maîtriser la dépense publique. Voilà. Maîtriser la dépense publique. Est-ce qu'on se passe un petit morceau où vous aviez envie de... Oui. Moi, j'avais juste envie de réagir par rapport à ce que disait Prune sur le truc un peu viriliste et tout. En fait, on en a un très bel exemple sur les pubs actuelles. C'est le fameux slogan « Peux-tu le faire ?» quoi. Ouais. C'est vraiment comme un défi TikTok. Ouais. Et c'est le même défi qu'un officier au CIRFA, si je retrouve vite fait la page. Il regarde, en fait, il voit le jeune un peu douter et il lui dit, non, je l'ai pas, mais en tout cas, il lui dit, bon, bah, en fait, si t'as peur, c'est pas grave, hein, t'es pas obligé de le faire. Et donc, on joue un peu sur cette question de montre-moi à quel point t'es courageux et comment tu peux faire les choses et comment t'es un bon soldat et donc un bon homme, etc. C'est la manipulation, bah oui, de la faiblesse. Et ben justement, il y a un copain qu'on embrasse très fort, qui nous écoute très certainement, qui nous a conseillé une chanson irlandaise qui a été reprise là par une états-unienne qui s'appelle John Baez, qui s'appelle Johnny, I Hardly Knew You, qui parle d'une personne qui est allée en guerre et qui revient bien amochée. Et du coup, la personne proche d'elle lui dit, on n'enverra pas nos enfants. On n'enverra plus nos enfants là-bas. Ils n'iront pas, quoi. Voilà, on écoute ça et on embrasse le copain très fort. With your guns and drums and drums and guns, hooroo, hooroo. With your guns and drums and drums and guns, hooroo, hooroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. My darling dear, you looked so queer, Johnny, I hardly knew you. Where are your legs that used to run, hooroo, hooroo? Where are your legs that used to run, hooroo, hooroo? Where are your legs that used to run before you left to carry a gun? I fear your dancing days are done, Johnny, I hardly knew you. Your eyes that were so mild, hooroo, hooroo. Where are your eyes that were so mild, hooroo, hooroo. Where are your eyes that were so mild when my heart you did beguile? And why did you run from me in the child, Johnny, I hardly knew you. You haven't an arm, you haven't a leg, hooroo, hooroo. You haven't an arm, you haven't a leg, hooroo, hooroo. You haven't an arm, you haven't a leg. You're an eyeless, boneless, chickenless egg. And you'll have to be put with a bowl to beg, Johnny, I hardly knew you. Rolling out the guns again, hooroo, hooroo. They're rolling out the guns again, hooroo, hooroo. They're rolling out the guns again, but they won't take back our sons again. No, they'll never take back our sons again, Johnny, I'm swearing to you. Et voilà la chanson de John Baez. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM. Il est 17h03 et on est dans l'émission antimilitariste J'irai pas. On remercie bien fort le pote qui nous a conseillé. En fait, il nous avait conseillé la chanson, la même chanson, mais par les Dropkick Murphys. Je l'ai un peu trahi en choisissant celle de John Baez, parce que John Baez, par espièglerie, elle a rajouté un couplet en fait à cette chanson traditionnelle irlandaise. Elle a rajouté le dernier couplet qui dit en anglais « Et maintenant, ils ressortent les canons, mais ils ne prendront jamais mes fils. Mais ils ne prendront jamais mes fils, Johnny. Je t'en fais le serment. » Parce que Johnny, qui est revenu de la guerre, il est revenu sans bras, sans yeux, sans jambes. Et du coup, c'était vraiment un gros coup dur pour ses proches et pour lui-même, hein, on imagine. Mais peut-être qu'on la passera quand même, l'original des Dropkick Murphys, qui est un peu plus dynamique à la fin de l'émission. On est de retour, du coup, moi, c'est Dédé. Et puis, on est de retour avec Prune et Jean-Michel. Oui. On parlait de la précarité. Oui. Pour la précarité. Je vous fais un petit cadeau de lecture en espérant ne pas me bloquer ni tousser entre temps. Alors, si tu peux parler un tout petit peu plus dans là, le micro, comme ça. C'est difficile quand on lit. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, on a introduit l'émission en introduisant le livre Mauvaise troupe et tu avais choisi un nouvel extrait de. Exactement. Donc, tout à l'heure, je vous ai lu un extrait du premier chapitre et là, je vais vous lire le deuxième chapitre qui s'appelle Premier pas. La vie de ma mère, là où je suis, c'est la planque. Et ça, c'est l'histoire de Mika. Donc, je vais vous lire différents extraits du chapitre. Je commence. Donc, le sous-titre de ce chapitre, c'est le sous-sous-titre, c'est novembre 2017, départ pour la caserne. Sur le mur jaune poussin, l'horloge affiche 6h05. 6h05, peut-être. Oui. Les volets en plastique sont encore tirés. Un cabas traîne dans l'entrée. Dans le salon, un grand écran déroule les bandeaux matinaux de BFM TV. Soudain, l'appartement tremble et tangue. La vidéo change de cadre et une tête d'adolescent mal réveillé apparaît en gros plan. Teint pâle et paupières gonflées de sommeil, Mika tâtonne pour diriger la caméra du smartphone vers son visage en mode selfie. Torse nu, le petit brun aux grands yeux noirs porte une chaîne clinquante immense sur son torse nu. Le grand jour de sa rentrée à l'armée est enfin arrivé. Le futur soldat de 21 ans affiche l'impatience des matins d'anniversaire. Quelques heures de train et au bout, on lui distribuera son paquetage, on lui enseignera les grades, les codes, le maniement des armes et l'art du défilé. Le début de sa nouvelle vie sous les drapeaux. La fin de la guerre galère aussi. Avant de s'enrôler dans l'armée de terre, le jeune homme avait distribué des dizaines de curriculum vitae dans les commerces de Perpignan sans jamais obtenir de réponse favorable. De son propre aveu, chez son père, où il résidait, la situation se tendait car le frigo était vide. Il allait désormais pouvoir le remplir avec sa solde et même s'acheter un nouveau téléphone. Donc ça résonne vachement avec ce que disait Jean-Michel, quoi. En fait, t'as pas de perspective. C'est ça. Ouais. Et donc tu te diriges vers l'armée. J'espère me bloquer un peu moins, mais c'est pas évident. Bref, donc peu après, on suit Mika. Mika, ce qu'il fait, donc on le voit, on dit la caméra se tourne et on voit Mika. Donc Mika fait des directs sur Internet où il montre un peu sa vie. Et donc on le suit, on peut le suivre pendant des jours et des jours et des semaines dans sa vie à l'armée. Et donc à un moment donné, il dit textuellement « Hier, on a bu le petit champ avec le bon petit whisky avec le padre. En rentrant, je vais prendre un petit forfait bien, un bon petit téléphone, on fera des petits péris, on va être bien. Ça va revenir avec des sous, avec le permis, on va être bien. Ça va être une grosse journée aussi pour le padre. » Mais c'est une fierté pour lui aussi, c'est une grosse fierté. Donc on voit aussi le poids que Mika a sur ses épaules par rapport à la situation économique de la maison, où il doit s'occuper aussi de son père. Et un peu après, une fois qu'il est bien rentré dans les rangs et il est à l'armée, on lit « Ses yeux fixent la caméra qui le livre à des foules anonymes. Leurs questions et commentaires apparaissent dans une petite bulle jaune en bas de l'écran. Mika y répond de vive voix. En écrasant sa cigarette sur le rebord de la fenêtre, il défend sa vocation face à un internaute intrigué. Et il dit « Il y en a qui continuent à dealer, à voler. Moi, je me suis rangé dans les canons de l'armée, tu vois. Après, c'est sûr, je vais pas te mentir, la cité, ça me manque. Les petits joints, détaillés, c'est-à-dire vendre de la drogue au détail. Tout ça, ramasser du bif, attendre en bas du bloc, ça me manque. Mais au moins, je travaille à l'armée, je fais un travail honnête, je ramène du blé, j'ai pas de souci à me faire. » Donc là aussi, on voit qu'il ressort de sa condition précaire au quartier. Pour lui, c'est au quartier, mais c'est pas que le quartier qui est précaire. Donc, dans le cas de Mika, c'est le cas. Et il se dit que là, enfin, il s'est rangé. Après, il s'est rangé dans les canons de l'armée, donc peut-être c'était pas le bon endroit, mais c'est pas grave. Et ensuite, le texte continue et on lit. En attendant, il s'ennuie, seul dans sa chambre, car le hasard des affectations l'a privé de compagnon de chambrée. Comme il y a air, il y a rien à faire. Il allume son téléphone et, en roulant sa cigarette, attend le premier bavard venu. Ce soir-là, Thomas 94 lance la conversation. « Tu gagnes combien par mois, le couze ?» Et Mika répond « Sans le terrain, sans rien, je me tape du 1003, » répond-il. « Et si je fais du terrain, je gagne 50 balles par jour en plus. Donc, en gros, si je pars une semaine sur le terrain, » et il commence à calculer. Et ensuite, il y a un autre internaute qui répond et qui dit « On s'en bat les couilles des militaires, nous on survit. » Et Mika, du coup, il se vexe un peu et il dit « Vous survivez? Tu veux survivre à quoi? Et si t'es d'un tiercart, t'inquiète. Hein, moi aussi je suis d'un quartier, frère. Pourquoi tu crois que je me suis engagé à l'armée? Trop endetté, trop de pognon à devoir, je gagnais pas ma vie, je profitais de rien. » Mika raconte ensuite son errance après le décès de sa mère, des quartiers nord de Marseille à la ZUP de Perpignan, chez son père, là où il s'était décidé à arrêter les combines, trouver un emploi, à se sortir les doigts du cul, comme il dit. Et il nous dit « Pendant, sans mentir, 2 mois, tous les jours, je cherchais du travail. Je postais des CV à droite, à gauche, machin. On vous la rappellera, on vous rappellera. Le dernier mec, il m'a balancé un « on vous rappellera », je lui ai balancé un gros « nique ta mère, tu sais quoi, garde ton travail de PD, là, pas de problème. » Il m'a dit « Toi, tu trouveras jamais de travail. » L'internaute venu à la confrontation se radoucit et commence même à sympathiser avec Mika. Il dit respecter ses motivations, mais ne s'engagera jamais sous les drapeaux car il refuse, dit-il, de se faire casser le cul et de combattre pour la France. Mais le premier classe, mâchant bruyamment une pomme, ne se laisse pas démonter. On n'est pas en guerre, frère. L'armée, c'est pépère. La vie de ma mère, là où je suis, c'est la planque. C'est tranquille, ça pète sa mère. Je suis refait, tu vois. Moi, j'ai pas encore fait de mission, mais quand je fais des terrains, je suis payé en plus. La paye du mois de janvier, j'ai gagné 2000. J'ai une garantie de l'emploi, j'ai des sous qui tombent tous les mois, j'ai même pas besoin de prendre un appart, je suis logé, je suis nourri, on lave mes fringues. Tout ce que j'ai à faire, c'est quoi ? C'est faire du sport. Et donc après, on continue un peu, et on a une vision un peu de qu'est-ce qui se passe pour lui pendant la journée. Donc, on lit. La journée s'est tout de même bien terminée, il a pu récupérer quelques desserts en rab à la cantine, il brandit une pomme devant la caméra, tel un trophée. Il la croque une fois, puis deux. De son index, Mika dégage un bout coincé entre ses dents. Sans doute parce que chez lui, le frigo était vide. La cantine du régiment exerce sur lui une sorte de fascination. On mange bien, c'est pas mal. On a des bonnes entrées, des bons plats, des bons desserts, des gâteaux, souvent de la pâtisserie, soit des éclairs au chocolat, soit des babas au rhum. Raconte-t-il ainsi à Maeva 00000, une abonnée fidèle qui s'inquiète de sa journée. Dans sa chambre, qu'on devine un peu fraîche en hiver, Mika enfile un pull rouge où figure le blason de son régiment et poursuit. À midi, j'ai mangé du porc laqué avec des nouilles, et 2 petits nems, et des crudités en entrée, tout ça. Et le dessert, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom, un gâteau chinois super bon. Avant hier midi, je me suis gonflé le bide, un truc de malade. En entrée, il y avait du crabe farci, il mime la taille de la portion avec ses mains. En plat chaud, il y avait un méchant bon steak, un beefsteak, tu vois, bien, avec des frites faites maison, mais par l'armée. Et en dessert, un gâteau long comme ça et épais comme ça, mais léger, avec de la chantilly dessus bien fait, propre, et des copeaux de chocolat noir et du chocolat cerise. Et puis deuxième rangée, c'était une sorte de mousse au chocolat, mais allégée. Et dernière rangée, c'était une sorte de clafoutis à la cerise, mais magnifique. C'était super bon et je me suis régalée. D'ailleurs, quand je le vois, ce gâteau-là, je saute dessus. C'est de la tuerie. Maeva 0000 ponctue le monologue de « Ah ouais » et des smileys. De fil en aiguille, le menu de la cantine le conduit à raconter la soirée de Noël passée quelques jours plus tôt chez son père. « Tu vois, moi je me suis engagé à l'armée aussi pour mettre bien tout le monde. Mon père, je le mets bien, moi je me mets bien. Tu vois, à Noël, j'étais content, je lui ai offert un petit coffret de parfum, je lui ai payé son loyer retard et tout. Je l'ai remis d'aplomb, des cadeaux, on a mangé au restaurant. » Pour moi, je me suis acheté un téléphone avec un forfait internet illimité. C'est tout. C'est le seul cadeau que je me suis fait. Avec 2-3 paquets de clopes pour tenir à l'armée. Sinon, j'ai tout donné à mon père. Moi, j'ai encore du temps pour me faire des sous. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon père, il a le sourire. Et je suis moins dans ses pattes. Parce que quand t'as des problèmes d'argent, que tu vis chez tes parents, il n'y a rien dans le frigo, ça crée des tensions. Et voilà pour l'histoire de Mika. Qui dit, il nous raconte pas mal de choses en plus, mais ça nous donne un peu un panorama d'une situation lambda d'un jeune qui est en difficulté économique et qui décide donc s'engager dans l'armée, malheureusement. Et du coup, ça lui permet de résoudre ses problèmes, quoi. Et puis ça nous donne faim, parce que c'est l'heure du goûter. Et du coup, on a c'est bien clair. Envie de goûter les babas au rhum. Oui, oui, ça a l'air bien, la cantine de l'armée. Faudrait pas dire ça aux élèves, parce que souvent la cantine à l'école, c'est pas dingue. Donc, c'est peut-être pas bien de leur dire que c'est bien à la cantine de l'armée. Mais... Oui. Non, mais c'est le rêve français. J'allais dire le rêve américain, mais c'est le rêve français. Là. Faire croire que l'armée, c'est beau. Venez, sortez du quartier, faut pas vendre du shit. Et la solution, elle est tout trouvée. Et en fait. Et du coup, dans la suite du bouquin, on voit aussi quel est l'envers du décor. Du coup, il y a effectivement la cantine où peut-être qu'il se met bien et tout. Et du coup, il y a pas mal de jeunes. Je crois que le sous-titre du livre, c'est La dérive des jeunes recrues. Et du coup, il y a pas mal de jeunes qui racontent aussi l'envers du décor et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe notamment. Ouais, non, mais pardon, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Je t'en prie. Non, mais la question, c'est que. Le livre, il démontre bien, c'est qu'on va chercher des jeunes, on va chercher des jeunes des quartiers, on va leur faire croire qu'on aura un salaire de 1000 euros, qu'on est une liberté, que la vie est belle, mais en fait, c'est pas si vrai que ça, en fait. C'est sa mission, s'il doit surveiller une base, c'est pas terrible. Il va pas conduire des avions de chasse ou conduire des sous-marins. Hein. C'est ça, la vraie vie. Oui, mais en fait, le fait que les recruteurs soient appelés vendeurs de rêves par les mêmes soldats, c'est vraiment l'explication en trois mots de qu'est-ce que c'est réellement, parce qu'on voit les pubs et ça a l'air trop bien. Et en fait, derrière, on se retrouve à dormir dans des chambres avec plusieurs personnes. Il y a, à un moment donné dans l'histoire, il y a un nouveau recrue qui fait une visite d'une base. Et en fait, il rentre dans un couloir et l'officier qui fait la visite qui dit « Ah mais non, c'est pas possible, il fume à nouveau ». Et en fait, tous les soldats qui sont en attente de faire quelque chose, parce que finalement, en fait, souvent, ils font rien. Enfin, souvent, à des moments, ils font rien. Se fument des gros pétards toute la journée. Alors que lui, il était dans sa tête, il est en mode « Attendez, moi, je viens de me forcer d'arrêter les pétards et je reviens ici. » En fait, on refume et il recommence à fumer. Et il y a aussi tout un commerce de drogue interne à l'armée. Et finalement, bien évidemment, c'est les rangs les plus bas qui prennent à la place des officiers qui ont tout un système bien, bien cadré. Et aussi, le fait de ce que, dont tu parles, Jean-Michel, de dire, en fait, c'est pas ce qui est... Enfin, on convainc les jeunes que c'est cool. C'est aussi que dans le livre même, on fait référence à des youtubeurs et à des influenceurs qui font carrément la pub de l'armée. Donc, ils se retrouvent, par exemple, à piloter un avion. C'est pile ce que des jeunes peuvent rêver mais de faire, mais finalement, c'est pas du tout réel. Et aussi que, du coup, il y a des youtubeurs qui disent, si ça peut faire naître des vocations, c'est cool, quoi. Alors que... Enfin, c'est sûr qu'il y a une partie des soldats qui font ça par conviction, comment dire, De la nation. De valeur, voilà, ouais. De nation, et etc. Et après, se retrouvent face à une violence énorme dans des missions en Centrafrique, par exemple. On a plusieurs exemples dans le livre qui sont vraiment, vraiment hyper violentes. Et pour lesquels ils sont pas du tout prêts, en plus. Et ils le disent clairement. Moi, nous, on n'est pas prêts. On a été 3 mois à la caserne. On ne nous a pas préparés. Et en fait, d'un coup, il y a une mission et on nous envoie et on se retrouve avec plein de personnes autour de nous. Et du coup, des personnes qui sont aussi elles-mêmes précaires, parce que ça peut être des orphelins qui tournent autour des bases parce qu'ils savent que les soldats vont peut-être leur donner quelques trucs. Et aussi... des jeunes mineurs locales qui se font rattraper dans un circuit de prostitution parce que ça leur permet simplement de manger. Et du coup, les Français qui savent qu'ils ont le dans une dimension coloniale, etc., et qui savent d'avoir le pouvoir là-dessus, aussi leur donnent très peu d'argent en échange de rapports sexuels et se disent ne pas savoir qu'elles sont mineures alors que c'est évident qu'elles sont mineures. Enfin bon, il y a tout un cadre général autour de ça qui fait qu'en fait, dans l'armée, il y a des personnes qui sont précaires, pas que, mais il y en a quand même pas mal. Et les mêmes personnes précaires se retrouvent à aller précariser et exploiter d'autres personnes déjà précaires dans leur pays d'origine, quoi. Donc c'est vraiment le reflet de la société capitaliste qui fait que en fait tu vois un boulot, tu fais ce boulot là et en fait ce boulot là implique autre chose pour une personne, mais toi tu le vois pas ou tu veux pas ou tu peux pas le voir parce que tu as d'autres besoins et ainsi de suite. Enfin, vraiment, l'armée, c'est le bon résumé de plein de choses pas bien, en fait. Ben, c'est une bonne conclusion. Après, on voulait dire d'autres choses. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on s'était dit en préparant l'émission qu'on pourrait parler de la précarité ici, en parlant de l'armée. Et comme tu l'as très bien dit, du coup, on pourrait parler de la précarité que l'armée engendre ailleurs dans une prochaine émission. Peut-être inviter les copines de Alarm Fun qui nous parleraient de militarisation des frontières, d'externalisation des frontières. Et on pourrait... faire un duo, faudrait leur en parler, mais du coup, de parler des bases militaires à l'étranger aussi, et de voir qu'est-ce que ça provoque comme précarisation sur place, voilà. Avec le soutien de l'Europe et de l'OTAN. Et oui, et ouais, voilà. Et justement, je pense qu'il y a des personnes qui bossent sur Frontex, justement cette agence européenne d'externalisation des frontières. Ouais. Voilà, ça, c'est une suggestion pour une prochaine émission. Du coup, Jean-Michel, t'as envie de nous parler des 4 beaux scénarios proposé par Beaune. Oui, ou... par le Clément ça, on va vraiment dans les détails, ce que c'est, combien ça coûte, ça nous fasse rêver un peu, parce que dans cette chaleur, il nous faut des choses rafraîchissantes. Ah bah, l'espoir, je vais vous en donner de l'espoir. Mais après... Allez, ça dépend pour qui, l'espoir. L'avenir voilà. Écrit par France Stratégie. Voilà. Faut remercier Beaune, mais bon voilà, aujourd'hui ils sont en train de travailler sur des stages dans les écoles avec les lycées et les collèges et les étudiants. En fait, aujourd'hui on peut faire un stage au service militaire, hein, voir comment ça se passe à la défense. Il y a plein de beaux métiers, il y a plein de choses magnifiques pour ces petits jeunes. Hein, et on leur fait un petit stage voilà, d'une dizaine de jours. Et voilà, ici, même pour les bacs plus 2. Hein. Quand même. Ah oui, il y en a pour tout le monde. Hein. Ah oui. Tout le monde a le droit de participer à une grande aventure militaire. Et ça, c'est la pub de France Travail, là, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est la pub France Travail qui sont en train de travailler dessus avec la mission locale et, okay. Et les associations de quartier aussi. Il ne faut pas oublier. Hein. Mmh. Eux qui sont financés par l'État, comment on appelle ça ? La deuxième chance, voilà. Ah ouais. Et la deuxième chance, hein. La deuxième chance, c'est pareil, c'est des jeunes qui sont un peu à la ramasse et ben on va les mettre dans les droits chemins de la République ou défendre la nation. Ils auront un bon trier pour le défilé le 14 juillet là. Ah ouais. Mais bon, on a vu ça la dernière fois la manif 8 mai, c'est ça, ouais, le 8 mai. Ah oui, il y avait plein de jeunes, ouais, effectivement, à Saint-Thé, ouais, il y avait plein de jeunes, ouais. Je sais pas si c'était volontaire, mais bon. Bah, ils venaient peut-être probablement aussi des avec leur des programmes, voilà, des programmes qui se mènent. Bah, ils étaient entrés, hein, ils étaient. Ah oui, mais bien sûr, on les met. Bah oui, t'es en uniforme, tu fais une classe défense, tu fais un programme élève cadet, t'es élève cadet, bah tu mets l'habit du cadet, et voilà. Ah, c'est, et c'est, oui, oui, c'est, oui, oui, c'est, même si t'as 12 ans, c'est pas grave. Au moins, tu te fais à l'idée, quoi. Voilà. Bon, alors, du coup, je veux parler un peu de pognon, hein, comme on dit les jeunes, hein, un peu de pognon. Hein. Ça coûte à peu près 5 milliards par an. Hein. Alors, attends, quel scénario, là ? T'es dans quel scénario ? Le scénario le plus simple, c'est le service obligatoire et le service militaire. Ouais, le service militaire. Tu vois, les deux services, 600 000, ils veulent recruter 600 000 par an. Sur une durée de 5 mois, ça coûte 5 milliards. Voilà, voilà le service militaire. C'est le scénario. Attends, c'est lequel ? C'est le Beaune. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, il y avait quatre scénarios. Scénario 1, 2, 3 et 4. Le 2. Le scénario 2, le service civil universel. Ah oui, avec le. Le 2. Tu vois ? 600 000 jeunes avec 75% de la classe d'âge, ouais. Voilà. Et ça coûte pour près 5 milliards, mais en fait, on. Par jeune, ça coûte 3 000 euros, 2 900 euros. Hein. Ah oui. Hein, c'est nu. Et avec 3 milliards et demi. Ah oui, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, 3 milliards par an, en fait. Oui, oui. Oui, mais 5 milliards sur le total, je crois. Avec les... Parce que ça, c'est juste le CNU, là. Les jeunes, ouais. Les moins de 18 ans. Et après, du coup, tu peux rajouter des thunes pour le service militaire volontaire qui serait... En plus du service civil, quoi. Ouais, 16-18 ans, voilà. C'est pour les jeunes de 16-18 ans. Mmh. 3 milliards. Après, tu as le scénario 3, service militaire volontaire, 1 milliard et demi. Ouais. Ah ouais, là, c'est que militaire, ça. Ouais, voilà. Parce que le scénario 1, c'est 600 000 euros. 600 millions. Ouais, 600 millions. Ouais, ça, c'est le SNU vitaminé, ouais. Ça. Voilà. Tu vois, on va les vitaminer. Mais on a l'impression qu'il fait tous ces scénarios en se disant, en fait, il faut qu'on fasse... On mélange un peu tous les scénarios et qu'on arrive à faire une soupe avec les différents scénarios. Parce que le SNU, on voyait que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait pas assez de composantes militaires. Pas assez de jeunes, ouais. Du coup, bah, est-ce qu'on ne le rendrait pas obligatoire ? C'est ça, mais pour ça, il faut qu'on change de nom. Voilà. Du coup, on va l'appeler le service civil universel. Mais quand même, on veut du militaire. Du coup, on réfléchit à comment on peut faire les choses, quoi. Du coup, ce serait du militaire en plus du service civil universel, quoi. Oui, universel et aussi d'un engagement comme d'emploi. Mm-hmm. C'est le but, c'est de dire voilà, c'est un travail. C'est pas un service militaire, c'est un travail. Ça va vous donner des points de retraite, ça va vous donner des formations, des beaux métiers. Bah oui, du coup, en fait, moi, ça me donne envie de lire la conclusion là, de ce que dit Beaune. Là. T'as envie de la lire ou non, on la lit à deux ? Ouais. Vas-y. Quel que soit le scénario retenu, atteindre des objectifs ambitieux de nombre d'engagés dans un service obligatoire et à plus forte raison volontaire, tout en s'assurant de l'adhésion des jeunes, ça nécessiterait une mobilisation et des incitations fortes. La participation à ce nouveau service national à la française pourrait être valorisée dans les parcours scolaires et universitaires. Priorité à niveau scolaire égal dans les procédures d'orientation, validation de crédit ou d'option dans les diplômes du secondaire et du supérieur. Donc en gros, si tu as fait ton service volontaire, qu'il soit civilo-militaire ou militaro-civil ou civil ou militaire, en fait, à diplôme égal, eh ben, tu vas passer devant les autres, quoi. Ça, c'est les mesures de mobilisation et d'incitation forte. On pourrait aussi reconnaître les périodes d'engagement dans la validation des acquis de l'expérience. On pourrait reconnaître ces périodes d'engagement pour les prendre en compte, notamment pour le calcul de la retraite. Et pour les fonctionnaires, ça pourrait valoriser leur progression de carrière ou les critères de priorité pour la mobilité géographique. On sait que les fonctionnaires, ils galèrent à choisir l'endroit où ils travaillent. Eh ben, si au préalable, quand ils étaient jeunes, ils ont fait ce service, alors on ne sait pas encore s'il va être militaro-civil, etc. Eh ben, du coup, peut-être qu'ils auraient plus de points pour demander des régions qu'ils souhaitent. Du coup, voilà, ça, c'est les moyens incitatifs, en fait, on les a vus pendant le SNU aussi, on faisait miroiter un permis de conduire ou je sais pas quoi, ou Parcoursup, etc. En fait, ils y pensent aussi à essayer de trouver des moyens d'inciter la jeunesse à accéder à ce futur nouveau service national, quoi. Mais l'armée vend aussi le permis de conduire, permis moto, permis avion, permis voiture, permis cheval. Non, mais c'est vrai, il y a le service militaire liquidation. Hein. Ah ouais. Ça existe, okay. Eh oui. Ah tiens. Ça existe. Permis poney, non, il y a pas. Non, c'est permis poney. La républicaine, là, le Élysée, là. Le... Oui, oui, il y a des gens qui sont là, qui sont montés à cheval. Là. Oui, c'est juste, c'est militaire. Ok. À Saint-Cyr, là, il doit y avoir des chevaux. Oui, oui, c'est militaire, c'est les gendarmes. Mais voilà, c'est un beau programme avec Bonne. Mais je vous invite à aller voir le site de. Du plan... Du Haut Commissariat au plan, ouais. Effectivement, c'est assez parlant. Ouais. Ouais. En tenant en tête quand même que les boulots qu'on propose chaque fois, c'est pas que être soldat. Et du coup, souvent on se dit « Non, mais c'est pas grave, je vais pas faire la guerre moi-même. » Du coup, ça passe. Et en fait, non, on fait partie de l'engrenage. C'est tout aussi grave d'être cuisiné pour les... en faisant des bons éclairs au chocolat que d'être la personne qui mange les éclairs au chocolat et qui, 2 mois après, se retrouve au Mali pour faire une guerre, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose à tenir en tête parce que c'est aussi ce qu'on dit aux jeunes. Mais non, tu vas faire ingénieur, tu vas faire je ne sais pas quelle autre mention. Et en fait, il n'y a pas que ça. Enfin, il y a ça dans tout un système. Et sans les ingénieurs, sans les cuistots, bah, il n'y aurait pas non plus en même temps. Donc attention à ça. Très bien. Bah, peut-être qu'on peut finir sur ce point d'attention. Et on va lancer une petite chanson qui risque de dépasser 5h30, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on a oublié de parler de Vernet Caron, du feuilleton. Oui. On sait que finalement, on sait le lauréat le mois dernier, on ne savait pas qui c'était, mais on sait que c'est Rivolier. Ah, une entreprise. Bonne nouvelle. Ouais, voilà, une bonne nouvelle pour l'économie. Les Stéphanois. Ouais. Pour les Stéphanois. Voilà. Ah, les salariés seront contents. Ben oui, ils pourront continuer leurs œuvres. Et peut-être qu'on peut parler du mois prochain. Du coup, on va se retrouver dans la prochaine émission le premier mercredi du mois d'août à 16h30. Et le premier mercredi du mois d'août, ce sera le 6 août et ce sera un autre anniversaire tragique. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire tragique du premier essai nucléaire français sur la Polynésie française. Hein. Ils avaient déjà testé 17 bombes atomiques dans le désert algérien. Et ben là, du coup, c'était une bombe atomique française sur la Polynésie, le 2 juillet 1966. Et le 6 août 2025, ce sera les 80 ans du premier essai in vivo américain, c'est-à-dire le bombardement de Hiroshima par Little Boy, une des premières bombes atomiques du monde, en fait, testé sur des humains. Voilà. Et du coup, on fera peut-être une émission spéciale sur les bombes atomiques le 6 août. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Helen the Rue, the sweet Athai, Heru, Heru. Helen the Rue, the sweet Athai, Heru, Heru. Helen the Rue, the sweet Athai, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel I did cry, Johnny I hardly knew ya. Johnny!